Chapitre 16. Les émules du maître. Fred Blake, qui était prêt de craindre que les bandits ne l'entraînassent à leur suite dans une sombre gargote de banlieue ou dans quelque repère d'apache, il avait lu les mystères de Paris, fut un peu soulagé en voyant le taxi s'engager dans le respectable boulevard Raspail et stopper devant l'hôtel Lutetia. Il entra tranquillement dans le hall en même temps qu'eux et s'approcha du bureau. S'effaçant poliment pour laisser passer les femmes, il entendit le bref colloque entre Zerga et le gérant. Le mage demandait 3 pièces avec un salon et une chambre pour la bonne. « Jane, dit-il en se tournant vers la domestique, accompagnez mademoiselle là-haut, je monterai tout à l'heure. » Maya, marchant comme une automate, disparut en compagnie de la bonne qui la soutenait solidement. Les yeux noirs de Zerga s'arrêtèrent un instant sur Fred, qui soutint ingénument son regard et s'adressa à son tour au gérant. « Ah oh, un monsieur n'a-t-il pas demandé ce matin à monsieur Fred Kimby de Boston ?»« Oui, c'est moi. Je suis arrivé en retard. Voulez-vous me réserver une chambre avec bain ? Je vais attendre ici. » Il doit sûrement venir. » Et Fred se laissa tomber dans un fauteuil voisin de celui qu'occupait Zerga. Il saisit sur la table un New York Herald et s'y enfouit entièrement. Il avait l'oreille fine et il entendit distinctement le mage dire à voix basse à sa compagne. « Il n'y a pas de temps à perdre. Les émules siègent à 5 heures. Vas-y directement. Tu verras qui tu pourras plumer. » Surtout, pas de gaffe. La duchesse a casqué la dernière fois. C'est le tour de la Hollandaise, si elle est encore à Paris. Prends rendez-vous pour demain, sois à la hauteur. » Fred les entendit se lever. Mais pour jeter son journal, il attendit que Zerga fût monté dans l'ascenseur. Il avait peur des yeux perçants de l'oriental. Dès que l'ascenseur eut disparu, Fred s'élança vers la sortie. La vieille dame était déjà dans la rue. Elle ne prit pas de voiture, mais se mit à descendre rapidement la rue de Sèvres, comme quelqu'un qui connaît le chemin. Il était facile de la suivre, car elle ne se retournait même pas. Son manteau de drap noir, garni de visons, son feutre noir, ses souliers et son sac de lézard noir étaient d'une parfaite distinction. Elle passa par la rue du Vieux-Colombier, la rue du Four, et sortit boulevard Saint-Germain. Après avoir traversé le carrefour de l'Odéon, elle s'engagea sous une voûte qui portait en large caractère l'annonce « American Tea Shop, Elsa Lee ». Une cour, longue et étroite, s'étendait devant eux, mais la vieille dame ne la traversa pas. Elle entra à gauche par une porte pourvue de la même enseigne. Fred, maîtrisant son impatience, attendit quelques instants, puis, audacieusement, ouvrit la porte et jeta un regard autour de lui. Il se trouvait dans un salon de thé agréablement aménagé. Des livres et des vases de grès, remplis de fleurs, ornaient les rayons sur les murs. De petits chinois glissaient avec des plateaux entre les tables, occupés presque toutes par des dames d'un certain âge. Fred n'avait jamais vu un tel assortiment de renards argentés et de cheveux qui auraient dû l'être. Il voulut entrer, mais une rousse souriante en kimono, assise à l'entrée, expliqua sur un ton d'excuse. « Pardon, monsieur, mais le salon est retenu pour cet après-midi par l'œuvre des émules du maître. »« Je suis journaliste, déclara effrontément Fred, et je viens pour faire un compte rendu. » La rousse au kimono se leva et murmura quelques mots à l'oreille d'une dame imposante, vêtue d'un magnifique manteau de zibeline. Celle-ci s'approcha de Fred. Le jeune aviateur s'inclina avec son sourire le plus irrésistible. « Madame, je suis rédacteur à la revue de Boston « La bannière étoilée de la vérité » et je voudrais parler à nos lecteurs de votre œuvre admirable. Je sollicite humblement l'autorisation d'assister à votre séance. » La dame à la zibeline hésita un instant, mais les yeux de 28 ans de Fred eurent raison de sa résistance. « Accordé, dit-elle, mais n'oubliez pas, monsieur, que vous êtes un des rares privilégiés et que vous serez tenu de ne parler de nous qu'avec discrétion et prudence. » Fred se confondit en remerciements, s'assit modestement dans un coin, à une table inoccupée, non loin de la dame en noir qui l'avait suivi, et commanda un thé et des sandwiches. « Grâce à Dieu, pensa-t-il, elle m'a entraîné dans un salon de thé. Ce sacré Jim me fait battre des records et filer des escrocs sans même se soucier de l'inanition qui me guette. » En mordant avec volupté dans ses sandwiches, il prêta l'oreille aux conversations engagées autour de lui. « Ma chère, demandait un renard bleu à un renard gris en avalant un petit four, comment va votre corps astral ?»« De mieux en mieux, ma chère, sous l'influence lunaire du maître. Ces cakes au sirop sont vraiment exquis. » La dame en noir, dont le col de vison maintenant paraissait modeste, soupira. « Votre extraordinaire intuition, chère madame Van Passen, vous fait sentir l'approche planétaire de celui qui vous distingue parmi les autres émules. » La dame au renard gris rougit de plaisir. « Vous croyez, chère comtesse ? Sans aucun doute, votre intuition surpasse encore la mienne. Le maître lui-même me l'a dit. » La dame à la zibeline, c'était évidemment la présidente, se leva. Le silence se fit. « Mesdames, déclara la présidente, je suis heureuse de vous voir ici aujourd'hui. C'est une preuve de votre immuable fidélité à notre œuvre sublime et un signe indubitable de la grâce qui plane sur les émules. Le maître nous a fait l'honneur de nous envoyer une lettre, regrettant de ne pouvoir assister à cette séance, mais nous promettant une conférence prochaine, le jour de la réincarnation d'Osiris. » Elle fit circuler dans la salle une lettre qu'on se passa pieusement, de main en main, avec des regards extatiques. Appliquez trois fois sur cette lettre l'annulaire de votre main droite, murmura la comtesse à madame Van Passen. L'écriture du maître vous saturera de fluides qui vous prépareront à une révélation. Mesdames, poursuivit la présidente, je vous annonce l'ordre du jour de notre séance. Premièrement, causerie sur la crise mondiale. Deuxièmement, le crépuscule de l'Occident et la lumière orientale. Troisièmement, l'évolution des émules à travers les 33 sphères. Quatrièmement, les affaires courantes. Un murmure approbatif se fit entendre. J'espère que mademoiselle de Tannerville, dont nous apprécions toutes l'esprit de clarté et de décision, voudra bien faire connaître son opinion sur la crise mondiale, son origine et ses remèdes. Et la présidente, épuisée, se laissa tomber devant son chocolat. Mademoiselle de Tannerville, une des plus jeunes parmi les assistantes, se leva. Un petit col d'organdi blanc se détachait sur sa robe foncée. Elle leva son visage frais et reposé, considéra un instant les ongles de ses mains soignées et pinça légèrement les lèvres. « Je pense, dit-elle, qu'il n'y a pas de crise mondiale. » Et elle se rassit. « Cependant, protesta timidement une voix à l'accent américain très prononcé, « il est indéniable que nous assistons au crépuscule de l'Occident. » « En Amérique peut-être, fit dédaigneusement une belle blonde grasse, jouant avec son collier de perles, mais chez nous à Paris, on s'habille encore très bien. » « Ne dites pas cela, ma chère. Certains grands couturiers sont en décadence. Et si je vous disais que Lucien Lelong... » La conversation devint générale. « Madame Van Passen, dit doucement la comtesse en s'asseyant à la table de la Hollandaise. Toutes deux tournaient le dos à Fred qui se faisait tout petit dans un coin. « Madame Van Passen, il est certain que ces dames n'ont pas dépassé la cinquième sphère. » Et que vous êtes, vous, dans la 18e, sinon au-delà. Je le sens moi-même, comtesse, mais comment continuer à évoluer en dehors des émules? Il faut vous préparer par une purification spéciale. Je suis exactement dans le même cas. Je sens entre nous des affinités fluidiques. Nous nous sommes sans doute rencontrés dans une vie passée, mais dans celle-ci, il m'a été donné de soutenir l'initié dans la faible mesure de mes moyens, et il m'a récompensé en m'autorisant à le suivre dans ses voyages. Oh ! La Hollandaise lui jeta un regard d'envie. Vous sentez-vous digne d'une révélation ? J'ai l'autorisation, si je vous en prête, de vous révéler une chose que ne connaît même pas la présidente. Comtesse, dit Madame Van Passen avec ferveur, tout ce que je suis, tout ce que je puis. Vous me jurez le secret éternel ? Je vous le jure. Par les voiles sacrées et l'anneau de l'initiation ? Par les voiles sacrées et l'anneau de l'initiation. Écoutez-moi, le maître est à Paris. Oh ! Sa présence doit être ignorée de tous, sauf de quelques élus. Oh, je suis humblement reconnaissante. Il est à la veille d'une découverte inouïe qui transformera le monde. Il doit aller le plus tôt possible en Orient dévoiler la lumière. Mais il lui manque le misérable métal terrestre. Combien ? La comtesse soupira. Je ne sais. J'ai eu le bonheur inespéré d'être autorisée à donner 5 000. Livres ou dollars ? Livres, bien entendu, livres. Cette chère duchesse en a fait autant. Mais les expériences planétaires de Londres ont dévoré toutes les ressources. Maya, l'illusion éternelle, est ici avec le maître, et elle n'a rien à se mettre sur le dos. Ils n'ont presque pas de bagages. Oh, chère, c'est inadmissible. Dites-moi, j'ai une idée. J'ai toujours rêvé de voir de près cette fantomatique syrienne. Il me semble que l'occasion se présente. Demain, à 3 heures de l'après-midi, j'ai un essayage chez Molineux. Je serai heureuse d'offrir une toilette à Maya. Et si le maître m'honorait de sa présence astrale... Un peu plus tard, Fred, traversant la rue Dauphine, aboutissait à la Seine. La nuit tombait déjà. Quelques pâles étoiles se levaient dans le ciel bleuté. Des chômeurs flânaient sur les quais. « Pas possible, se disait Fred, la crise mondiale. L'Occident et les astres existent donc encore, hein ?